midi les auditeurs de la radio Isanganiro, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée de ce jeudi le 1er avril 2021. D'abord les grands titres. Une personne de la zone de Moussaga, mairie de Bujumbura, est morte et fusillée pendant la nuit de son mercredi. Vous saurez l'auteur du crime dans ce journal. Et la construction en urgence d'une digue pour la protection des infrastructures portuaires de Bujumbura est indispensable, comme le suggère l'environnementaliste Bernard Sinda Yeboura. Plus de 150 couples de la communauté Batoa de la province Kayanza mariés illégalement ont régularisé leur mariage et leurs descendants ont été déclarés pendant ces 5 derniers mois. Voilà pour les titres. Vestine Outu suit à la présentation. La mise en onde est assurée par Eric Ouimana. Encore une fois, bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Ouvrons son journal et par la page politique. Et le Parlement burundais a procédé ce jeudi à l'ouverture des travaux de la session ordinaire du mois d'avril au Palais des congrès du Sénat. Si à Gitega, Emmanuel Senzo Hagela, président du Sénat, indique que les vacances parlementaires ont été une occasion de partager de la parole et des activités avec la population, mais aussi un moment de rappeler le rôle des élus, particulièrement les chefs des collines, dans le développement. Il a en outre fait savoir que 10 projets de loi envoyés par le gouvernement vont être analysés et adoptés au cours de cette session, dont le projet de loi organique et portant réattribution des compétences de la Cour anticorruption et de son parquet général, ainsi que la réorganisation de la brigade anticorruption et le projet de loi portant modification de la loi portant instauration et octroi du statut de guide suprême du patriotisme au Burundi au président Pierre Nkurunziza. Et en page sécurité, une personne a été tuée dans la nuit de son mercredi à jeudi en zone de Moussaga de la mairie de Bujumbura dans un bistrot dit Kumuchamo, selon les collègues de la victime. Mais ce dernier a été fusillé du fait qu'il a refusé de servir à un officier de l'armée du pays pendant les heures avancées. La propriétaire, tout comme d'autres employés, demande que le présumé coupable soit traduit devant la justice. Et le porte-parole de l'armée confirme ces informations et précise que les enquêtes sont en cours. Litiga Himbare. Tuer une personne, un garçon de 20 ans, vraiment, c'est très dommage. C'est un sentiment de désolation au bistrot dit Umucho de la zone Moussaga, où une personne a été tuée dans la nuit de ce mercredi. Le responsable de ce bistrot ici donne les détails. Je suis rentré à 23h. Cet homme-là, il n'était pas là. Il était venu un peu tard. Et on a demandé au serveur de lui donner un amoustel. Le serveur a refusé. Il a dit que c'est trop tard, qu'il est temps d'aller dormir. L'homme-là, il a dirigé vers la caisse et il a pris l'amoustère dans un frigo. On lui a interdit, on lui disait à qui on va demander l'argent pour cet amoustère alors que c'était trop tard. Il a dit que vraiment ça ne se termine pas comme ça. Et il est parti chez lui, c'est à quelques mètres d'ici. Il a amené un fusil et puis il a fusillé le caissier. On lui disait qu'on lui a injurié. En Kirundi, il a dit Ngangaye, Vyohira Gutyo. Ce propriétaire de ce bistrot demande aux instances habilitées de faire des enquêtes et que le présumé coupable soit traduit devant la justice. Il faut que la justice soit faite vraiment. Tuer une personne, un garçon de 20 ans, vraiment, c'est très dommage. Il avait terminé l'humanité l'année passée. Il attendait d'aller à l'université. C'est-à-dire que les parents regardaient lui en disant qu'il va les épauler. Alors, on vient de reprendre sa vie. Nous avons contacté le porte-parole du ministère de la Défense nationale. Ce dernier a confirmé ses informations d'un officier de l'armée du grade du lieutenant-colonel et précise que des enquêtes sont en cours. Merci Lydie Gahimba est toujours en page. Sécurité, un fusil de type pistolet a été découvert ce mercredi sur la colline Rutiazo de la commune Kayoko en province Mwaro. Celui qui l'a vu était en train de chercher des tuteurs pour haricots grimpants. Ce pistolet a été détecté 3 jours après que 4 grenades et 2 chargeurs pour fusil Kalachnikov aient été trouvés emballés dans une sacoche sur la colline Kigarama de la commune Ndava, selon le commissaire provincial de la police à Mwaro, Jacques Nijimbele. Il demande à toute personne qui détient illégalement une arme de la remettre volontairement aux autorités habilitées pour ne pas s'exposer aux sanctions prévues par la loi. Et en page santé, le cadre d'expression des malades du Burundi, Semabou en sigle, dénonce les mauvais accueils des malades dans certains hôpitaux publics du pays. Le porte-parole de ce cadre indique que les auteurs de cette situation sont des prestataires de soins de santé qui ne facilitent pas les malades à consulter les médecins. Sylvain Abanabakize lance un appel à ses prestataires et aux médecins de se souvenir de leur serment d'Hippocrate. Suivez-les au micro d'Evariste Ndekomanyang. Le SEMABO est au courant de ce mauvais accueil qu'on observe surtout dans les hôpitaux publics. Ici, on peut donner un exemple là où, quand les malades se rendent dans différents hôpitaux publics, ils reçoivent un mauvais accueil et on peut donner une mauvaise orientation. C'est-à-dire que le patient qui arrive à l'hôpital n'est pas bien servi, n'est pas orienté pour se faire soigner. Vous dites que les malades ne sont pas bien accueillis dans les salles d'urgence que l'état des lieux. La situation est tellement pire dans la mesure où il y a pas mal de gens qui sont là, mais lorsqu'ils arrivent là, ils reçoivent quand même des mauvaises orientations, c'est-à-dire que les gens qui travaillent là se préoccupent des gens qu'ils connaissent, disons leurs amis, leurs familles, c'est-à-dire que ces gens peuvent passer pas mal d'heures, à peu près une journée, n'ayant pas été accueillis, et c'est une situation qui devient de plus en plus pire, c'est-à-dire que l'accueil n'est pas courtois, même dans le service d'urgence. Ça devient de plus en plus pire dans la mesure où ces médecins qui avaient prêté serment, aujourd'hui, on les observe étant concentrés dans les cabinets privés plutôt que dans les hôpitaux publics. C'est-à-dire que pour le moment, ils ne respectent pas le serment qu'ils ont fait, mais on dirait qu'ils sont en train de faire un commerce parce que ces gens accueillent beaucoup de gens dans les cabinets privés, mais dans les hôpitaux publics, on voit un nombre minime de patients qui sont accueillis et servis. On avait établi et validé un recueil descriptif des droits des patients et des prestataires des services de santé, mais jusqu'à présent, ce recueil n'a pas été mis en application. Dans ce recueil descriptif des droits des patients et des prestataires des services de santé, on avait privilégié un accueil courtois, mais pour le moment, ce recueil n'a pas été édité, n'a pas été mis en application, malgré qu'on l'avait validé. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Il est 13h02 au studio de la radio Isanganiro. Continue ce journal et pas à la page. Bonne gouvernance. Une mésentente entre l'entreprise de construction chinoise exécutant le projet de bitumage de la RN16 Tronso Tabagakuba et la maison de surveillance figure parmi les causes du retard observé dans l'exécution de ce projet, constat du premier ministre burundais Alain Guillaume Bunyoni. Celui-ci ordonne à cette entreprise chinoise de construction de respecter le nouveau chef de mission qui sera bientôt désigné, Jean-Pierre Misago. À côté de la pandémie du coronavirus, du retard dans le décaissement des fonds par les partenaires financiers, de la lenteur de la part même de l'entreprise chinoise exécutant le projet de bitumage de la route nationale numéro 16 tronçon Tabagakuba, un malentendu survenu entre cette entreprise de construction et la maison de surveillance est une autre cause du retard observé dans l'exécution des travaux, selon Alain Guillaume Bunyoni, premier ministre burundais. Il y a eu aussi un malentendu entre l'entreprise et effectivement la maison de surveillance, ce qui a causé le retard d'exécution de ces travaux. Pour cette raison, le premier ministre burundais recommande à l'entreprise chinoise de construction de respecter et de collaborer avec le nouveau chef de mission de surveillance qui sera bientôt désigné pour la bonne marche du projet. L'autre recommandation, c'était effectivement d'améliorer la collaboration et la coopération afin d'éviter les conflits qui ont été observés, qui ont été à l'origine du retard connu entre la société qui construit l'ouvrage et effectivement la maison de surveillance. Nous leur avons demandé de respecter la décision qui sera prise par le gouvernement en désignant et en validant la proposition de nomination d'un autre chef de mission pour qu'il n'y ait plus de tergiversation, mais plutôt qu'il y ait collaboration, complémentarité pour la bonne réussite du projet. Ce tronçon qui va d'Otaba en commune province Bururi jusqu'à Gakuba en commune Jansoro en province Gitega en passant par les communes de Songa et Matana, toutes de la province Bururi, est long de 34,72 km. Jean-Pierre Misago, depuis Mawa, Radio Isanganiro. Toujours en page bonne gouvernance et le niveau des réalisations des organisations non gouvernementales qui contribuent dans le développement de la province de Ruyigi est satisfait pour l'année 2020. Cependant, il s'est observé des imperfections, dont la non-présentation des plans d'action à l'administration provinciale. Lors d'une réunion de restitution des réalisations de cette organisation tenue ce mercredi, le gouverneur de la province de Ruyigi interpelle ces dernières à corriger toutes les imperfections soulevées afin qu'elle puisse travailler en harmonie avec l'administration et les services techniques déconcentrés, Jean-Claude Chimiliman. Certaines organisations non gouvernementales qui contribuent dans le développement de la province Ruyigi ont convenablement exécuté les actions prévues pour l'année 2020. Mais il y a d'autres organisations qui ont fait face à des problèmes, ce qui les a empêchés de réaliser toutes les actions prévues. Tabu Emerancienne, gouverneur de la province Ruyigi, a dit cela ce mercredi dans la ville de Ruyigi lors d'une réunion de restitution des résultats de l'évaluation des réalisations des organisations non gouvernementales qui mène des activités dans la province de Ruyigi. Même si le gouverneur dit que le rendement est en général satisfaisant, certaines imperfections ont beaucoup retenu l'attention des participants dans cette réunion. Entre autres ces imperfections citées, certaines organisations n'ont pas présenté des plans d'action annuels, d'autres élaborent des projets et les mettent en œuvre sans la moindre considération des contenus des plans communaux de développement communautaire et d'autres encore, leurs employés réalisent et des travaux sur différentes collines à l'insu de l'administration communale. Face à ces imperfections, le gouverneur Tabu Emerancienne demande avec insistance à toutes ces organisations non gouvernementales à présenter des plans d'action annuels à l'administration provinciale et aux services techniques déconcentrés au niveau provincial qui doivent faire le suivi des activités. En même temps, ces organisations non gouvernementales sont appelées à fournir mensuellement des rapports d'activité à l'administration provinciale pour que, à son tour, elle puisse élaborer un rapport mensuel des réalisations dans la province qui est adressé aux échelons administratifs supérieurs. En plus, au moment de la conception des projets et lors de leur mise en œuvre, ces organisations sont appelées à se référer sur les contenus des plans communaux de développement communautaire et à privilégier une bonne collaboration avec les administrations communales et les services techniques déconcentrés. Dans la province de Ruyigi, 27 organisations non gouvernementales contribuent dans le développement, la plupart dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Jean-Claude Nshimirimana, Ruyigi, Radio Isanganiro. À présent, parlons de la page environnement. Le port de Bujumbura est menacé par la montée des eaux du lac Tanganyika, constat de l'expert en aménagement du territoire et environnement ce jeudi, après une visite y effectuée. Bernard Sndayebura précise qu'une partie de la digue en maçonnerie s'est déjà effondrée. Comme solution, il y propose la construction d'une digue pour protéger les infrastructures portuaires en urgence. Les précisions de Moïse Misago. Les parties les plus menacées par la montée de ces taux sont entre autres la route quittant les bureaux de l'Office burundais de recettes OBR située au port de Bujumbura vers les maisons de la flotte marine et la partie où accostent les bateaux qui amènent des marchandises. La digue située à cet endroit s'est effondrée. L'expert en aménagement du territoire et environnement Bernard Sindaihebura précise que les eaux du lac Tanganyika ont monté de nouveau de 6 cm en déjà 2 semaines. Ce phénomène a déjà commencé à endommager cette infrastructure portuaire. Le fait constaté depuis le 15 mars 2021, le lac avait atteint une cote de 776,2 cm. Et 9 jours après, c'était le 23 mars, donc le lac avait monté de 4 cm. 9 jours après, c'était hier, le lac avait une cote de 776,30 cm, c'est-à-dire qu'en 9 jours, le lac avait monté de 6 cm. C'est-à-dire que pendant 18 jours, le lac avait monté de 10 cm. Donc, on voit qu'au fur et à mesure qu'on approche le mois d'avril, le niveau monte très rapidement. Il y avait une partie, une route qui longe le littoral depuis la flotte de la marine. On a vu que la route était coupée. Donc, à l'intérieur du port, il y a une partie de la digue qui était en maçonnerie qui s'est effondrée. Et une partie de l'eau est déjà entrée à l'intérieur du port. Cet expert propose comme solution la réhabilitation de la digue qui s'est effondrée et de rehausser cette dernière pour protéger le port de Bujumbura ainsi que la route menacée. Bernard Sindaihebura. Il est actuellement urgent de pouvoir très rapidement de réhabiliter donc la digue pour éviter l'envahissement de l'eau à l'intérieur. Alors, comme solution technique, alors, c'est la première solution technique. La deuxième solution technique, j'ai vu que maintenant, que si le lac continue à monter sur le même rythme, d'après l'étude que j'ai pu faire, 90% du niveau maximum du lac Tanganyika est atteint au mois de mai. Donc, par rapport au calcul, si le lac maintenant continue à augmenter sur le même rythme, ça pourra monter encore de 42 cm. Cet expert en aménagement du territoire et environnement et professeur d'université précise que la montée des eaux du lac Tanganyika s'observe plus au mois d'avril avec une moyenne de 12 mm par jour. Merci Moïse Misago. Et en page genre, certaines femmes rapatriées ne parviennent pas facilement à jouir des biens de leur famille. L'exemple est d'une dame de la colline Rusara, sans commune de Boussoni de la province Kirundo, qui est arrivée seule et qui n'a pas pu recouvrir l'argent de loyer des maisons louées appartenant à son foyer. L'administration communale affirme lui avoir rétabli ses droits. Reportage d'Armel Moutori. Jouir de nouveau des biens, des possessions laissées au pays est l'un des défis auxquels font face certains rapatriés et cela engendre des conflits entre ces derniers et les résidents. Cette dame est de la colline Rusarasi en commune Boussoni, une commune frontalière avec le Rwanda, est rentrée seule, laissant sa famille en exil. Elle raconte qu'elle n'a pas pu accéder facilement aux biens de son foyer. Le premier mois, la personne a perçu le loyer de mes annexes à mon insu. Même les locataires ne m'ont pas tenu au courant. J'ai donc exposé mon problème à l'administration qui a ordonné à cette personne de ne plus percevoir l'argent alors que je suis rentrée et que je meurs de faim. Cette dame ajoute qu'elle a trouvé sa maison vide alors qu'elle y avait laissé quelques objets de valeur. La personne qui percevait l'argent de mes maisons a vidé tout ce qui était dans ma maison principale. J'avais des caisses de bière et d'autres objets. Il a tout emporté. Jean-Marie Senguiumva, président du Centre de développement familial et communautaire à Boussoni, nous dit comment cette femme a pu être rétablie dans ses droits. Quand j'ai su ce qui arrivait à la dame, j'ai ordonné au locataire de donner désormais l'argent du loyer à la propriétaire. Maintenant, c'est la dame qui perçoit l'argent du loyer mensuellement, bimensuellement, à son aise. Elle ne pouvait pas mourir de faim alors qu'elle avait des sources de revenus à partir appartenant à son foyer. Jean Kabaka, conseiller de l'administrateur de Boussoni, chargé des questions administratives et sociales, dit que de tels cas s'observent, mais qu'ils sont peu nombreux. Ces problèmes de conflit entre résidents, membres de la famille et rapatriés concernant les parcelles de terre ou les maisons se rencontrent aussi, mais à un moindre pourcentage. On a déjà enregistré une dizaine de cas seulement. Depuis le début des opérations de rapatriement des réfugiés venant du Rwanda en 2020 jusqu'au mois de février en 2021, la commune Boussoni a déjà enregistré un mouvement retour de 894 ménages composés de 2869 personnes, dont la plupart sont des femmes et des enfants. Toujours en même page, plus de 150 couples de la communauté des Batois unis illégalement en province Kayanza ont été enregistrés à l'état civil et plus de 3000 naissances issues de ces couples ont été déclarées ces cinq derniers mois. Emmanuel Neng, représentant de l'UNIPROBA, conclut que cela favorisera leur stabilisation et développement. Patrick Nsengiyumva. Les données chiffrées fournies par le bureau provincial d'état civil à Kayanza montrent que ce sont principalement les communes comme Muhanga et Gatara qui prennent le devant en ce qui est des couples dont les conjoints étaient en union illégale, où Muhanga a enregistré 56 familles, suivi de Gatara avec 30 familles. Les mêmes données montrent également que les communes Butaganzo et Gahombo ont enregistré peu de familles où les conjoints étaient en union illégale, Butaganzo avec 0 familles et Gahombo avec 2 familles seulement. Mathias Manilumba, contrôleur provincial d'état civil à province Kayanza, fait savoir que ce pas a été franchi après la campagne menée par le ministère de l'Intérieur d'accorder aux habitants issus des familles vulnérables des différents documents octroyés par les bureaux d'état civil. Son responsable d'état civil à Kayanza indique que cette campagne a permis également l'enregistrement de 30 070 naissances à l'état civil et 21 autres de leur paternité étaient jusque-là inconnues qui ont été reconnues par les repères et enregistrées dans le registre des naissances. Bakanibona Silivé, conseiller sociocritique des gouverneurs en province Kayanza, fait savoir qu'au niveau de l'administration, on apprécie positivement ce pas franchi par la population de la communauté des Batois de se conformer à la loi. Cette autorité demande à ces Batois d'emboîter le pas des autres dans les activités du développement communautaire. Même son de cloche chez Emmanuel Nengo, représentant de l'association pour la promotion des Batois au Burundi, qui affirme que cela permettra la stabilisation des couples des Batois, ce qui leur permettra par conséquent de se développer, surtout en scolarisant leurs enfants. Depuis Kayanza, Patrick et pour la radio Isanganilo. Actualité internationale. Terminons ce journal par cette brève en actualité internationale. La Cour d'appel de la CPI a définitivement acquitté l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, responsable de la jeunesse du parti et alors au pouvoir Front Populaire Ivoirien. Tous les deux avaient été accusés de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, notamment meurtres, viols et persécutions. C'était lors des violences de la crise post-électorale de 2010-2011. Cette nouvelle a été accueillie avec joie au sein des sympathisants du parti Doc Bagbo, Front Populaire Ivoirien, comme écrit par le site de la Radio France Internationale. Mais du côté des associations des victimes et des violences post-électorales 2010-2011, c'est en revanche l'inquiétude qui prévaut. Il s'agit d'une décision inique pour Issiaka Diaby, président du collectif des victimes de crise en Côte d'Ivoire, qui ne cache pas sa déception. Pour lui, la justice n'a pas été rendue aux victimes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Eric Ouimana pour la collaboration technique. Festine Boutou, j'étais à la présentation. Au revoir, passez un bon après-midi et bon début du mois d'avril.